Moi penché, manché, moi bon mauvais gens. Mangé, mangé, bon bonjour. Aïe, maman, pas bon mauvais gens. Mangé, mangé, bon bonjour. Moi paye n'a mangé, moi bon mauvais gens. Mangé, mangé, bon bonjour. Aïe, maman, bon moins bon petit gens. Mangé, mangé, bon bonjour. Moi paye bon soclo, moi bon mauvais gens. Mangé, mangé, bon bonjour. Aïe, maman, pas bon mauvais gens. Mangé, mangé, bon bonjour. Moi paye fait jalousie pour faire moins de. Le montre la dans kaye le débordé. Au grand enveloppe, au bon coup de bouteille. Dans qualité jalousie, ça yo m'a fait débordé. Mangez, mangez, bon bonjour. Wap mangez, mangez, moi bon mauvais gens. Mangez, mangez, bon bonjour. Aïe, maman, pas bon mauvais gens. Mangez, mangez, bon bonjour. Wap baye nan mangez, moi bon mauvais gens. Mangez, mangez, bon bonjour. Aïe, maman, pas moins bon petit gens. Mangez, mangez, bon bonjour. Wa pe bam soklo wa bam mauvais gens. Mangé, mangé, bam bonjour. Aïe, maman, pas bam mauvais gens. Mangé, mangé, bam bonjour. Ça à toi.